traité il ne vaut pas. Si moi scribi, t'as scribi. Si moi que c'est, t'as que c'est. A traité il ne vaut pas. Soldat, soldat, soldat, soldat, c'est une affaire au sein de la.